connu la colère au parental, jusqu'à en atteindre son paroxysme. Si en plus de ça tu n'es pas rentable, à quoi bon te sert de barauder? Je t'ai vu rêver de leur baratable, de leur royauté c'est une parodie. T'auras la monnaie si tu pars au front, mais ça personne ne te le garantit. La plupart de tes potes ont carotté. Ah non mon garçon, ça c'est pas gentil. Mais toi comme un con tu as pardonné. T'as pas donné le coup dans la carotide. T'as pas donné le coup dans la carotide. J'ai double pilon et deux caressies. Paniquer ta mère, t'es égaré toi. Les barons de la ville sont pas en ma gueule, il faut pas rebeller. Tu vantes ton pote, tu parles de lui. Je sors un opinel, il se barre de là. Ça part en moulon, perd oui toutes les zones. Airbnb comme missionnaire. Je traîne avec des mecs un peu bipolaires. C'est la race ou le polaire, hein, hein. Pilon m'assombrit, hein. Petit frère malhonnête, hein. Maman pleure la nuit, hein. Grand frère Faro Hebs. Je traîne en bas du bloc, du coup je deviens pragmatique. Du coup je découpe v'là la cam, v'là la cam, v'là la gif. V'là le rap, v'là la disque. V'là la rap, v'là l'artiste. V'là la violence, même enfant de la misère validée. Le genre de Marseillais qui fait pas télé-réalité. Le genre de mec qui se laisse pas hagar même si je transpire. Valeur du transfert équivalente à 30 piges. De galère dans les rues, t'as pas vu j'ai des rides. T'as pas vu ce que j'ai vu, t'as pas vu ce que je mérite. T'as pas vu, je mets la mienne, juste pour savoir que je m'évade. Juste pour savoir que je vis, juste pour savoir que j'ai mal. Et savoir que tu mens m'empêche pas de savoir que je mise sur le bon cheval quand je te dis que ça veut faire rien mine.